Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Tonton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Tonton, Mirontaine. Il reviendra à Pâques ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, Mironton, Tonton, Mirontaine. La Trinité se passe, Malbrook ne revient pas, Malbrook ne revient pas, Malbrook ne revient pas. Madame sa tourmente, Mironton, Tonton, Mirontaine. Madame sa tourmente, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut. Elle aperçoit son page, Mironton, Tonton, Mirontaine. Elle aperçoit son page, tous deux noirs habillés, tous deux noirs habillés, tous deux noirs habillés. Beau page, oh mon beau page, Mironton, beau page, oh mon beau page, quelle nouvelle apporter, quelle nouvelle apporter, quelle nouvelle apporter. Aux nouvelles que j'apporte, Mironton, Tonton, Mirontaine, aux nouvelles que j'apporte. Vos yeux vont pleurer, vos yeux vont pleurer, vos yeux vont pleurer. Monsieur Malbrook, quel mort a mis mon temps. Signor chantera.